c'est la street qui te parle. Bouge pas, tu risques de manger une balle. Depuis qu'en rap, nous, on en cavale, man. Contre les médias, les politiques, il faut bouger à les médias. La situation, je crois qu'elle est critique, man. Je suis pas un rappeur, mais un délinquant qui gratte ses pelles sans stupeur. Et vas-y, digère bien un instant. Et si c'est violent, comme se mange un violent dans le boule. Chez moi, c'est ferme ta gueule, pose pas de questions, vas-y, roule. On est en mode guerre, provient les frères et sœurs. Qu'il y aura des grenades dans leur putain de RER. J'suis qu'un putain de mort en sursis. J'ai la rime au bout de mon fusil. Lyrique à l'usine, mon flot t'a surpris. Ouais, on vient de la tête alors qu'on prend que notre son blesse. 2005, c'est l'heure de faire recette dans nos blocs. Alors j'fork tous ces patrons qui veulent me faire ta sauce mic. J'veux un max de fric, un max de tasse, alors passe-moi le courvoisier. Et tu vois bien que c'est un putain de bordel dans ma tête. J'raquette le fils, les flics veulent ma tête, mais n'auront que ma bite. Et j'm'abrite derrière ces murs de briques où mes sauces me servent de rempart. Nos remparts sont sacrés. Si tu les insultes, on te baisse, fils de pute. Klepto cliché, yeah, yeah. J'aime pas faire l'amour, j'aime faire la guerre. Que la paix, on a payé, on a prié comme des fous. Il est plus facile de faire la guerre que la paix. L'air ne fait pas la guerre, mec. Y'a des crises, des larmes, de peuples pleurent. Beaucoup de bruit pendant la guerre. De ces vies pleurent. J'ai mal au cœur, je la rage contre mon délai. Contre mon délai, j'ai la rage, putain de merde. J'ai la rage contre un petit bâtard qui m'a balancé au placard. Ah putain de merde, j'ai la rage. On va faire la guerre, c'est qu'à la vie à la mort. Bastard, Villeneuve Saint-Georges, le bâtard, tout ça. Garde la pêche, ma gueule, y'a toujours de l'acide dans mon angle. Ce qui nous motive, c'est la guerre. Les autres MC, on vient les pendre. La corde au cou, on les étrangle. Family Dan, le nom de la banque. Digital, cherche pas les causes de ma conduite délinquante. Ma musique, j'viens répandre comme une traînée de poudre. Tirer les coudes, on tient la route malgré le mauvais œil. Rien à foutre, un peu d'alcool dans les veines et j'donne du charme à la scène. Chez nous, les victimes de guerre se ramassent toujours à l'appel. C'était BO Digital, Family Dan, tu sais. Et vrai. Tu veux savoir ma maladie? T'inquiète que c'est le hip-hopi, un truc qui défonce. Un que toi qui craigne comme un tabi. T'as même tes déjà. Tu sais bien que je crois pas en Dja, je crois pas en Dieu. Tu voulais du hardcore en vla, fuck you. Voyou, j'ai appris que tu cherchais du shit. C'est sûr qu'on plane les fuites de Thaïlande est toujours illicite, tu sais. Fuck les putes qui viennent sucer. Fuck les stupes, toi-même tu sais. Tout le monde le sait que je fais du shit. Je rappe pour chaque body, pour chaque toddy, chaque lundi. Chaque mec qui s'en bat les couilles de la life. Un, deux, c'est les Joko Blunt. Porte client court, motherfuckers. Marie explose comme à Bagdad, j'ai le flow kamikaze. Faut pas que t'aies la rage, si t'es naze, va réviser tes phases. J'équilibre l'acte, tel un soldat dans les tranchées sans me faire éliminer. J'dois niquer la vie avant qu'elle me tue. Et pour la rue, j'suis en mode guerre, est-ce que c'est clair? J'suis une cœur bras, incognito, anonymat, mon lesta. Qui bâche là, Renoir Tricard, j'm'en tabac. Quel est roi, KM6 et Carta? 9-5, Kezo qui les braca. 1-2. Frère, garde mes yeux, c'est l'intention de faire parler le feu. Délinquants sont panthères, assassinat, chaque syllabe. Temps de guerre, 14-18 dans les tripes, faut s'armer car c'est corsé, forcément hardcore. 18, range des troupes et merde, calibre à la hanche, la blanche gombée morte. Cru venu des fourraillés, le poulailler, Fennec. On est beaucoup et on se calme, fais-nous ton des gros sous et on se calme. Kaimer menace, 9-3 les 4000, la cour 9, hein. عربي اكحل اروح تشوف الحرب اروح تشوف الضرب اروح تدق الزبد على فريع عرب عقلية تعكسب ماني باغي نقاسي شيبولي راسي هدمولي ساسي انا حلفت صاي غادي نباسي على هاد الظلم راني باغي نفهم واحد ما بغى يتكلم راني نبات نخمم صاي غادي نقدم قلبي تعمر بالهم غادي نخرج موسم بوش عطاي يبغي لي باتاي تايلون كرو هاكيم تاع الالقايدة. J'écris des textes de ouf quand je j'murlis, ça me fait flipper. Dans ces putains de j'ai tout, c'est comme si on voulait m'étriper. Pour faire face à mes ennemis, j'suis obligé de m'équiper. D'armes à feu car si ceux qui me trouvent ils seront sans pitié. Les embrouilles à mes semaines, c'est comme si on voulait s'agripper. Rien à faire les frères, j'arrive pas à m'y défaire. Obsédé, possédé, porte bâtard Lucifer. Si tu fais un pour me tester, j'vais te niquer ta mère. C'était l'ambassadeur du crime, Noisil Sec 9-3. J'ai vu sa bango deux fois T. Aucune censuration pour m'empêcher de m'exprimer en toute liberté. Égalité, fraternité, qu'on vient foutre un maximum de bordel. Pour se faire respecter dans le milieu du hip-hop underground anti-pédale. Trop d'artistes de pas côté, c'est la juste quoi. Derrière un micro, ça parle mal. Tu perds tous leur originalité ainsi que leur identité. T'as Batman décidé. Prince Mania du 9-5-C, agence criminelle. Il caille sans craquage, je t'écaille comme une caille. J't'injecte le bad style, bad de taille, bête de taille, sans détail. Car chez nous c'est bataille comme à la boxe taille. Cocktail molosse. Harold Veller, le Rod Veller, en colère, accélère, baisse l'air. Explicite, hustler, illicite, receleur. On graine une nouvelle race de gangsters. Alter, partenaire, légendaire, bénéficiaire de l'osé sans commentaire. 1, 2, Starold Veller. 1, Compton Molos. 1, 2, GDN. Noco, j'ai comme gangster de nature. Viens chez nous, tu vas subir la pire des tortures. C'est la guerre, on a les nerfs, nique les mères. C'est tous des commères, faut que ça scène en plein air. Avec ou sans scanner. La bombe est posée sur des mines. Mec, cherche pas savoir qui c'est qui tient le pouvoir. C'est qui règne, matin, midi, soir. Dans les cas d'escalier, j'irai des haines. Ça vaut pas par tes aveux. J'ai sur mon mauvais humeur. Auditeur, je peux nous mettre sur écoute. Écoute, c'est ta danse terrifiant. Reste à l'écart, on n'est pas mon Dorica. Tu veux nous tester, tu vas pas pour la troisième guerre. 93 vulgaire. Ok, c'était Noco, barré belle, j'étais. Ok, ok, mec, la rage. Je vais poser sur cet instrumental, putain. Nique sa mère, on paraît que c'est la guerre. Laisse-moi dire, je vais enculer leur mère à tous les adversaires. Tout coupé, je viens de découper. Les faux MC qui se la racontent de trop. MC, dis-moi c'est qui le patron. Autant mettre en fin, je t'amène au bout de l'horizon. Sur ce freestyle de poison. Regarde comment j'explose comme une bombe. Pour GDN, je rends la main. Eh mec, faut pas que tu te la ramènes. Sur une balle dans le campage, t'explose l'abdomen. Je m'en bats les couilles de qui tu es. Tout coupé, c'est moi qui se bois en effet. Aïe, tout coupé. Pour la technique interdite, j'ai des haines. Ok, check, check, pose le mic, check, ok. Reste wicked dans la phase. L'état est critique, nos dépenses limites. Plus le manque de liquide dans les larves. Les MC sont dingues, fous. Ils me testent à leur culture musicale. Ils n'ont même pas cette carte. On reste au roi, soudé, international. J'sais pas, des voix tout comme une tornade. Un ouragan, et vu l'impact du contact. Prépare les défenses, l'empire contre. Blow, blow. Au microphone, violent comme une bite en érection. C'est le dernier morceau, tu sais. C'est la rue qui parle, cousin, tu sais. On l'enregistrait, on était tous en Irak. C'est un morceau sorti tout droit d'Irak. Blow, blow, microphone.